الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، chers auditeurs, nous continuons ce soir la lecture du livre du savant Hanbali, Abu al-Wafa, Ali ibn Aqil, رحمه الله تعالى. Intitulé Fusul al-Adab wa Makarim al-Akhlaq, dans lequel il a mentionné un certain nombre de politesses et de nobles comportements légiférés dans notre religion. Et nous allons voir aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, certaines politesses et certains comportements à adopter lorsque l'on souhaite rendre visite à quelqu'un, et également certaines politesses et nobles comportements à adopter lors des repas. Il a donc dit, Rahimahullah, فصل ولا ينبغي لأحد أن يهجم على أقارب أو أجانب. Et il ne convient à personne d'entrer par surprise auprès de gens proches ou lointains. C'est-à-dire qu'il ne convient pas d'entrer dans la maison de quelqu'un sans demander la permission avant d'entrer. Et ce car Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné dans son noble livre de demander la permission avant d'entrer chez quelqu'un. Il a dit, subhanahu wa ta'ala, « Ya ayyuhalladina amanu, ô vous qui croyez, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, hatta tasta'nisu. » N'entrez pas dans des maisons autres que les vôtres, jusqu'à ce que vous demandiez la permission. « Wa tusallimu ala ahliha » et que vous adressiez le salam à ses habitants. Allah subhanahu wa ta'ala a donc ordonné dans ce verset de demander la permission avant d'entrer. Et ceci est légiféré et attendu du croyant qu'il entre dans la maison de gens proches ou lointains. C'est-à-dire que même s'il entre auprès de gens de sa famille, même s'il entre auprès de ses parents, auprès de ses enfants, auprès de ses frères et sœurs, il ne lui appartient pas d'entrer sans avoir demandé la permission. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, a rapporté à ce sujet dans son livre Al-Adab al-Mufarad, à Athar, un récit du noble compagnon Hudhayfa, radiyallahu anhu, qui a été interrogé à ce sujet. On lui a dit « Dois-je demander la permission pour entrer auprès de ma mère ?» Et ce dernier répondit « Si tu ne demandes pas la permission, tu verras alors ce qui te déplaira. » Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'il est obligatoire de demander la permission même s'il souhaite entrer auprès de sa mère, qui est la personne la plus proche de lui. Mais il demande la permission avant d'entrer car il est à craindre que s'il rentre par surprise, s'il rentre de façon inattendue, elle se trouve dans une situation dans laquelle elle ne souhaite être vue par personne. C'est donc pour cela qu'il est légiféré de demander la permission avant d'entrer, même si tu entres auprès d'une personne proche de ta famille, et d'autant plus auprès d'étrangers. Et les gens de science ont mentionné que ceci est légiféré en raison de ce que l'on pourrait voir. C'est pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « لِأَلَّا يُصَادِفَ بِذْلَةً مِنْ كَشْفِ عَوْرَةً » afin qu'il ne voit pas et qu'il ne se trouve pas face à une chose que les gens de la maison ne souhaite pas qu'elle soit vue, comme des vêtements d'intérieur par exemple, qu'il ne porte pas devant autre que les gens du foyer, ou des vêtements pour dormir, un pyjama ou autre. Il se peut qu'il ne souhaite pas être vu dans cette situation. Et également il se peut qu'il ne soit pas vêtu comme il se doit pour accueillir une personne, et qu'il voit une chose qui devrait être cachée. C'est donc pour cela, comme on a dit, qu'il est légiféré pour toute personne de demander la permission avant d'entrer, même s'il entre auprès de ses proches, afin de ne pas voir une chose qui doit être cachée, et afin de ne pas les voir dans une situation dans laquelle il ne leur plaît pas d'être vu. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « وَيَسْتَأْذِنُوا ثَلَاثًا » et il demande la permission trois fois, c'est-à-dire lorsque tu t'apprêtes à entrer. Lorsque tu te trouves devant la porte, comment dois-tu agir? Il dit, tu demandes la permission trois fois, c'est-à-dire jusqu'à trois fois. Si on t'autorise d'entrer dès la première fois, alors il n'est pas nécessaire de demander la permission trois fois. Mais il est permis de demander la permission jusqu'à trois fois. Il dit fa'in udhina lahu. Si on lui autorise d'entrer, alors il entre. Wa illa raja. Sinon il repart. Si on ne lui autorise pas d'entrer, il repart et il ne lui convient pas d'insister. Il ne demande pas la permission plus de trois fois. Et ce car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala, d'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, lorsque l'un d'entre vous demande la permission à trois reprises et qu'on ne lui permet pas d'entrer, alors qu'il reparte. C'est-à-dire que s'il a demandé trois fois la permission d'entrer et qu'on ne lui a pas répondu, cela signifie qu'il n'a pas été autorisé à entrer. Si ceux-là l'ont entendu, alors il repart. Et il ne se vexe pas. Même si on lui dit explicitement de partir et qu'on ne peut pas lui ouvrir, il se peut que tu viennes à un moment qui n'est pas approprié, que la personne que tu souhaites visiter n'est pas en mesure de te recevoir, et que lorsque tu arrives devant sa porte, elle te le fasse savoir, en te disant qu'elle s'excuse mais qu'elle ne peut recevoir personne pour le moment. Dans cette situation, tu dois repartir sans te vexer, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a ordonné. Wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Et si on vous dit repartez, alors repartez. Ceci est plus pur pour vous. Et l'imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala a dit dans le tafsir de ce verset, ne refusez pas de partir et ne vous mettez pas en colère contre cette personne, car l'habitant de cette maison ne vous a pas privé d'un droit obligatoire à votre égard. Ça, c'est important de le comprendre. Ce n'est pas une obligation pour la personne que tu souhaites visiter de te recevoir. Mais c'est simplement un acte de bienfaisance. S'il veut, il t'autorise à entrer, s'il veut, il refuse. Tu ne dois donc pas t'enorgueillir. Il ne t'a pas privé d'un de tes droits. Ce n'est pas un devoir pour lui de t'ouvrir la porte de sa maison et de te faire entrer. Et ça, c'est d'une grande importance à comprendre, mes frères et sœurs. Que lorsqu'on souhaite visiter quelqu'un, on ne doit pas imposer sa présence. Qui que soit la personne que l'on souhaite visiter, même si c'est une personne proche, il se peut qu'elle se trouve dans une situation où elle n'est pas en mesure de te recevoir. Donc tu repars. Tu ne te vexes pas. Tu n'es pas pris d'orgueil et tu n'es pas en colère contre cette personne. Et ceci est plus pur pour nous. Comme notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, l'a dit dans le verset. Donc, tu ne demandes pas la permission plus de trois fois. Et comment cette permission est demandée? Les gens de science ont dit que on demande la permission en disant « Assalamu alaykum a atrol »« Assalamu alaykum, puis-je entrer ?» L'imam Ahmad rahimahullah ta'ala a dit que la demande de permission est « Assalam ». Il est rapporté dans un hadith authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala qu'un homme a demandé l'autorisation d'entrer auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son servant « Sors vers cette personne et enseigne-lui la manière de demander la permission. » L'homme entendit cela et dit « Assalamu alaykum a atrol. Assalamu alaykum, puis-je entrer ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui autorisa alors et il entra. C'est donc de cette manière qu'il est légiféré de demander la permission d'entrer. Et les gens de science ont dit que ceci a également lieu par toute chose qui est considérée comme une demande de permission selon l'usage des gens. Et cela n'a pas à avoir lieu en frappant à la porte ou en utilisant la sonnerie. Notamment à notre époque où les maisons ne sont plus comme elles l'étaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où elles étaient si petites que si quelqu'un parlait devant la porte, on pouvait l'entendre. Mais aujourd'hui les maisons sont grandes, il se peut qu'elles soient entourées d'un mur, il se peut que la personne habite dans un bâtiment à un étage, et ainsi de suite. Et donc la personne veut utiliser la sonnerie. Et si elle utilise la sonnerie, alors elle ne l'utilisera pas plus de trois fois. Si on ne lui répond pas au bout de trois fois, alors elle repart. Et la preuve qu'il est légitime de demander la permission en frappant à la porte est un hadith rapporté par Abu Dawud, rahimahullah ta'ala, qu'il a mentionné dans un chapitre qu'il a intitulé « Chapitre de l'homme qui demande la permission en frappant à la porte ». Puis il a mentionné le hadith de Jabir, radiyallahu anhu, qui est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et a frappé à la porte. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Qui est-ce ?» Et Jabir, radiyallahu anhu, a dit « C'est moi ». Anna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit Anna, Anna, moi, moi. Et Jabir, radiallahu anhu, a compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réprouvé cela, a réprouvé qu'il se présente en disant c'est moi. Et ceci est une preuve que celui qui demande la permission d'entrer, il doit préciser son nom afin que l'on sache qui il est. Il ne se contente pas de dire c'est moi. Il ne dit pas c'est bon, on a reconnu ma voix, non. Tu mentionnes ton nom afin qu'on sache qui tu es. Et tu ne te suffis pas de dire c'est moi. Et ce que tu sois derrière la porte ou à l'interphone ou autre. Mais tu mentionnes ton nom afin que la personne sache bien à qui elle va ouvrir la porte. Donc on a dit que on demandait la permission avant d'entrer et que ceci ne devait pas être fait plus de 3 fois. Et les gens de science ont dit que ceci est dans le cas où on pense fortement que la personne nous a entendus. Mais si on craint que la personne ne nous ait pas entendus, comme si la personne habite dans une grande maison, que l'on craint qu'elle soit dans une pièce éloignée et qu'elle n'entende pas lorsqu'on frappe à la porte, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de gêne à insister, jusqu'à penser s'être fait entendre. Et ce car l'ordre de repartir est venu lorsque la permission d'entrer n'a pas été donnée. Mais si la personne ne sait pas que l'on est là, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de gêne à insister. De la même manière, si tu es attendu, que tu as rendez-vous avec cette personne, qu'elle t'a invité, qu'elle sait que tu vas venir, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de gêne à insister car tu sais qu'elle t'a donné la permission d'entrer. Et si elle ne t'a pas ouvert, c'est tout simplement car elle ne t'a pas entendu arriver. Donc dans cette situation, il n'y a pas de gêne à insister, à frapper ou sonner plus de 3 fois. Et ceci ne signifie pas que la personne doit avoir un mauvais comportement devant la porte et frapper avec force et virulence et faire excessivement du bruit, non. Il convient de ne pas déranger les gens, de ne pas déranger également le voisinage. Et on rapporte à ce sujet dans un hadith authentique que les portes du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient frappées avec les ongles. C'est-à-dire que les gens frappaient avec leurs ongles afin de manifester leur présence. Et ceci indique que lorsqu'on frappe à la porte, on frappe avec douceur, sans déranger les gens de la maison et sans faire de bruit de manière excessive. Parmi les choses à mentionner à ce sujet, que l'auteur n'a pas cité ici, il y a la question de savoir où te positionnes-tu pour demander la permission d'entrer. Est-ce que tu te places devant la porte ou bien te places-tu ailleurs? La réponse est que la sunna est que tu ne sois pas face à la porte, mais que tu te mettes à droite ou à gauche, et le mieux est même de te tourner dos à la porte ou d'être sur le côté, de sorte à ne rien voir de l'intérieur de la maison, lorsque la porte sera ouverte. En effet, il se peut que tu arrives pour frapper à la porte et que quelqu'un s'apprête à sortir. Et par conséquent, tu te retrouves face aux gens de cette maison et vois ce qui se trouve à l'intérieur. Et les gens, de manière générale, réprouvent cela. Et il se peut également que tu vois une chose que tu n'as pas à voir et que tu n'as pas le droit de voir. Donc lorsque tu vas frapper à la porte, tu te mets sur le côté et tu tends simplement ton bras pour frapper. Puis tu te tournes et restes sur le côté en attendant qu'on t'autorise à entrer. Et la preuve à ce sujet, le hadith authentique rapporté par Abdullah ibn Busr radiyallahu anhu, qui a dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'approchait d'une porte où il voulait demander la permission d'entrer, il ne lui faisait pas face. C'est-à-dire, il ne se mettait pas face à la porte. Mais il venait à droite ou à gauche. Si on lui autorisait à entrer, il entrait et sinon, il repartait. Et ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans son livre Al-Adab al-Mufrad. Et il rapporte également d'après Hudayfa radiyallahu anhu qu'un homme lui a demandé la permission d'entrer et qu'il a regardé à l'intérieur de la maison. Et il a dit « Puis-je entrer ?» Hudayfa radiyallahu anhu l'a alors blâmé. Et il a dit « Quant à ton œil, il est déjà entré. » Et ceci nous montre que les compagnons radiyallahu anhum avaient pour habitude de réprimander ceux qui s'opposent et transgressent les politesses islamiques. Car il ne fait pas partie du bon comportement de regarder à l'intérieur des demeures des gens, au risque de voir ce que tu n'as pas le droit de voir et ce que les gens ne veulent pas que tu vois d'eux et que tu vois de leur demeure. Et de la même manière, même si on t'autorise à entrer, l'autorisation d'entrer ne signifie pas que tu as le droit de regarder tout ce qui se trouve dans cette demeure. Comme le font certaines personnes qui, lorsqu'elles entrent chez quelqu'un, se mettent à tout analyser et à observer. Ou voire même à entrer dans des pièces dans lesquelles elles n'ont pas été autorisées d'entrer. Et ceci est un mauvais comportement. Même dans la pièce où tu te trouves, veille à ne pas tout observer et tout analyser et ne regarder que ce que l'on t'a permis de regarder. Et tel était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme il est venu dans Surat al-Najm. Surat al-Najm dans laquelle il y a des versets concernant l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a été élevé au ciel. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à son sujet « Ma zara al-basaru wa ma tara » Sa vue, son regard, n'a pas dévié et n'a pas dépassé. C'est-à-dire, il n'a pas dépassé ce qui lui a été permis de regarder. Il n'a pas regardé à droite et à gauche. Il n'a pas regardé au-delà de ce qui était devant lui. Et ceci nous montre la noblesse du comportement du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Même dans cette situation, il est élevé dans cet endroit et ne cherche pas à voir plus que ce qu'on lui a permis de voir. Alors que généralement, les gens, lorsqu'ils entrent dans un endroit qu'ils n'ont jamais vu, qu'est-ce qu'ils font? Ils observent tout ce qu'il y a autour d'eux. À droite, à gauche, devant, et ainsi de suite, et ils analysent. Surtout si c'est un endroit qu'ils n'ont jamais vu ou un endroit qui a changé, et ainsi de suite. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de par la perfection de son comportement et la noblesse de son caractère, son regard n'a ni dévié, ni outrepassé les limites. Mais il n'a regardé que ce qui lui a été permis de regarder. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à son sujet « Wa innaka la'ala khuluqin 'azim » Et tu es certes d'une moralité éminente. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à nous parer de ces nobles comportements. Il convient donc aux croyants de veiller à se conformer à ces politesses, comme on l'a dit même avec les gens qui lui sont les plus proches comme ses parents, ses enfants ou ses frères et sœurs. Et même parmi les habitants d'une même maison, lorsqu'une porte est fermée, il ne convient pas d'entrer sans avoir demandé la permission d'entrer. En disant « Assalamu alaikum, puis-je entrer ?» à Atrol. Et cela est le comportement légiféré pour le musulman. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un comportement et un passage que nous avons déjà lu, que nous avions avancé lors du passage sur les politesses lors des assises. Puis, il est passé au comportement et aux politesses concernant les repas et les manières de boire et de manger. Et il a dit « Faslun wa yustahabbu iftitahul akli bi bismillah » Et il est recommandé de commencer à manger en disant « Bismillah ». Et ceci est valable également lorsque l'on boit. La preuve à ce sujet est le hadith de Omar ibn Abi Salama radiyallahu anhu, qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Ya ghulam, ô jeune enfant, sammillah, mentionne le nom d'Allah, wa kul bi yaminik, mange de ta main droite, wa kul mimma yalik, et mange ce qu'il y a devant toi. » Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allahu ta'ala. Donc comme vous l'avez entendu, l'auteur rahimahullahu ta'ala nous dit qu'il est recommandé de dire « Bismillah » avant de manger. Et les savants ont divergé à ce sujet. Certains ont dit que cela est recommandé, et d'autres ont dit que cela est obligatoire. Et l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith nous indique l'obligation, car il a ordonné de mentionner le nom d'Allah. Et la base dans les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'ils indiquent l'obligation. Ajoutez à cela un autre hadith authentique, rapporté par Aïcha radiyallahu anha, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque l'un d'entre vous mange une nourriture, qu'il dise « Bismillah » et s'il a oublié au début, alors qu'il dise « Bismillah fi awwalihi wa akhirihi » au nom d'Allah, au début et à la fin. » Donc on voit qu'il a également ordonné de dire cela et même, il a ordonné à celui qui oublie de prononcer cette parole lorsqu'il se rappelle. Donc ceci nous indique l'obligation. D'autant plus que, dans le hadith de Omar ibn Abi Salama, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne cela à un jeune enfant. Et ceci nous indique Un autre point important qui est qu'il convient aux parents et aux responsables des jeunes enfants de leur inculquer, de leur renseigner ces politesses dès leur plus jeune âge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ordonne ici à ce jeune enfant de mentionner le nom d'Allah, de manger de sa main droite et de manger ce qu'il y a devant lui. Et ce car, comme il le rapporte dans le hadith, sa main se baladait dans le plat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a donc réprimandé et lui a enseigné ses nobles comportements et ses politesses. Et ceci est de la responsabilité de tout parent. Et cela est appris aux enfants dès leur plus jeune âge. N'attends pas qu'ils grandissent. N'attends pas qu'ils s'habituent aux mauvais comportements. N'attends pas qu'ils aient de mauvaises manières. Mais apprends-lui les bonnes manières dès son plus jeune âge, afin que celles-ci soient naturelles et ancrées en lui, et qu'il agisse ainsi de manière instinctive, sans même réfléchir. Et s'il agit autrement, alors blâme-le et réprimande-le, afin qu'il agisse d'une bonne manière, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Parmi les questions liées à la mention du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala avant de manger, il y a le fait de savoir, est-ce que l'on dit seulement At-Tasmiya, qui consiste à dire seulement Bismillah, ou alors est-ce que l'on dit la Basmala, qui consiste à dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Certains parmi les gens de science ont dit qu'il n'y avait pas de mal à ajouter Ar-Rahman ar-Rahim. Et tel est l'avis d'Al-Hafiz al-Nawawi rahimahullah et de Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Mais Al-Hafiz ibn Hajar, rahimahullah, s'est opposé à la parole de Nawawi et a dit « Je ne vois pas de preuves particulières démontrant ce qu'il a prétendu concernant le fait que cela serait plus méritoire. » Donc la base est que l'on ne mentionne que la tasmiya en disant « Bismillah ». Car c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, il a dit « Sammillah ». Mentionne le nom d'Allah et dans l'autre hadith il a dit « Falyakul Bismillah ». Et il n'a pas dit « Falyakul Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ». Donc ce qui est recommandé, la sunna, est de s'arrêter à « Bismillah ». Également, les gens de science ont mentionné qu'il est recommandé de dire la tasmiya à voix haute, de sorte à se faire entendre par les gens présents et que ceci soit pour eux un rappel. Ainsi, si une personne a oublié de mentionner le nom d'Allah, alors elle le fera après avoir entendu le dire. Et comme on a vu, si la personne a oublié, alors il est légiféré pour elle, si elle a déjà commencé de manger, de dire « Bismillah fi awwalihi wa akhirihi » ou alors « Bismillah awwalahu wa akhirah » ce que signifie « Je mentionne le nom d'Allah du début à la fin ». Et cela est la formule de rappel recommandée à prononcer dans cette situation. Ensuite il dit « Rahimahullah wa khatmuhu bil hamdulillah » et il est recommandé également de terminer le repas ou la boisson par la louange d'Allah en disant « Alhamdulillah » comme le démontre le hadith rapporté par l'imam muslim rahimahullah. D'après Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes Allah agrée certes du serviteur qui lorsqu'il mange une nourriture, le loue pour celle-ci et lorsqu'il boit, le loue pour cela. » Il est donc recommandé de louer Allah subhanahu wa ta'ala après avoir bu et après avoir mangé, ne serait-ce qu'en disant « Alhamdulillah ». Et le mieux est d'ajouter à cela, en prononçant une des formules rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme en disant « Alhamdulillah alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wa la quwwa ». Louange à Allah qui m'a nourri de cela et me l'a accordé sans effort ni force de ma part. C'est-à-dire qu'il reconnaît que cette nourriture qu'il a consommée est un pur bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est une subsistance qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a offerte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui prononce cette parole après avoir mangé une nourriture, ses péchés passés lui seront pardonnés. Allahu Akbar. Tu mets en pratique la sunnah. Tu fais une chose agréée d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu le loues pour cette nourriture qu'il t'a accordée et dont il t'a fait grâce et qui est un de ses bienfaits. Et Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne tes péchés passés pour la prononciation de cette belle parole et de la reconnaissance de ce bienfait. Et ceci est donc un mérite immense à ne pas négliger. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « Wa an ya'kula bi yaminihi » et qu'il mange de sa main droite, c'est-à-dire, il est recommandé qu'il mange et qu'il boive aussi de sa main droite. Comme le démontre le hadith rapporté par l'imam muslim, rahimahullah, d'après Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Lorsque l'un d'entre vous mange, qu'il mange de sa main droite. » Et lorsqu'il boit, qu'il boive de sa main droite, car certes le diable boit de la gauche et mange de la gauche. On voit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné dans ce hadith de boire et de manger de la main droite. Et il nous a même informé qu'il y a en cela une opposition à notre ennemi déclaré, qui est le diable, qui lui mange et boit de la gauche. C'est pour cela que nombre de gens de science, et parmi eux l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, et le grand savant al-Faqih Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahumallah ta'ala, ont mentionné qu'il était strictement interdit de boire et de manger de la main gauche. Et que manger de la main droite et boire de la main droite n'est pas seulement recommandé, mais cela est une obligation. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné dans ce hadith. Et il l'a ordonné également dans le hadith de Omar ibn Abi Salama. Il lui a dit « mange de ta main droite ». Et la base dans les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam est qu'ils indiquent l'obligation. Ajoutez à cela le hadith rapporté par Salama ibn al-Aqwa, radiyallahu anhu, qui rapporte qu'un homme mangeait auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de sa main gauche. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « mange de ta main droite ». L'homme répondit « Je ne peux pas ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors « Que tu ne puisses pas ». C'est-à-dire qu'il a invoqué contre lui. Et ce car rien ne l'a empêché de se soumettre à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam en dehors de l'orgueil. Il n'était pas incapable de lever sa main gauche. Mais l'orgueil l'en a empêché. Alors, il n'a plus pu lever sa main jusqu'à sa bouche. Sa main a été paralysée. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Donc l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam contre cet homme nous indique que cet homme a délaissé une chose obligatoire et qu'il a commis un interdit. Sinon le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas invoqué contre lui. Il est donc obligatoire de manger et de boire de la main droite et interdit de manger et de boire de la main gauche. Et ce hadith nous prouve également qu'il convient de réprimander la personne que l'on verrait manger ou boire de la main gauche. Il se peut que l'on se trouve parfois autour d'une table et que certains, parmi les gens présents, négligent ces bonnes manières, ou bien par ignorance ou alors par négligence. Il convient donc de les blâmer et les réprimander et leur ordonner ce qu'a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam en leur disant de manger de la main droite. Et ceci fait partie de la nasiha et du commandement du bien et de l'interdiction du mal. Ensuite l'auteur rahimahullah ta'ala a dit وَأَنْ يَأْكُلَ بِيَمِينِهِ مِمَّا يَلِيهِ إِذَا كَانَ الطَّعَامُ نَوْعًا وَاحِدًا et qu'il mange de sa main droite et qu'il mange de ce qui est devant lui, si la nourriture est d'une seule sorte. Il nous dit donc qu'il est recommandé pour la personne de manger ce qu'il y a devant elle et qu'il est détestable de manger ce qu'il y a devant les autres. Et la preuve à ce sujet est toujours le hadith de Omar ibn Abi Salama. Radiyallahu anhu, auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Mentionne le nom d'Allah, mange de la main droite et mange ce qu'il y a devant toi. » Et une fois de plus, ceci est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui indique l'obligation et donc l'interdiction de manger ce qui se trouve devant les autres. Car premièrement, manger ce qui se trouve devant les autres est une transgression à leur égard, car cette nourriture se trouve devant eux et leur est donc destinée. Deuxièmement, lorsque l'on mange dans un même plat et que certaines personnes laissent aller leurs mains devant les autres, il se peut que ceci répugne les personnes qui se trouvent autour de ce plat, en raison des mains qui se sont baladées dans celui-ci. C'est donc pour cela qu'il convient de ne manger que devant soi, afin de ne pas répugner les autres. Et également, ceci est un mauvais comportement. Toutefois, les gens de science ont mentionné que ceci n'est pas blâmable dans différentes situations. La première et celle qu'a indiqué l'auteur rahimahullah ta'ala en disant que ceci est recommandé de manger ce qu'il y a devant soi si la nourriture n'est que d'une seule sorte. Donc, si la nourriture est de deux sortes ou plusieurs, si par exemple c'est un plat de fruits et qu'il y a différentes sortes de fruits, dans ce cas-là, il n'y a pas de gêne à aller manger une des sortes de fruits qui n'est pas devant soi. Et il y a d'ailleurs un hadith rapporté à ce sujet d'après Anas radiallahu anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam recherchait une sorte de fruit dans un plat. Donc si c'est un plat avec plusieurs aliments, il n'y a pas de gêne à aller prendre certains aliments qui ne se trouvent pas devant soi, incha'Allah ta'ala. La deuxième situation est qu'il n'y a pas de gêne à ne pas manger devant soi si tu manges seul, si tu es seul à manger dans ce plat. Il n'y a pas de gêne à manger à droite ou à gauche du plat car tu es seul et tu ne nuis à personne. Et la troisième situation qu'ils ont mentionnée, c'est lorsque ceci n'est pas réprouvé par ceux qui mangent avec toi. Comme par exemple l'homme qui mange avec son épouse ou avec son enfant et qu'il sait que l'autre personne avec qui il mange ne réprouve pas cela. Alors dans ce cas-là, il n'y a pas de gêne, incha'Allah ta'ala. Toutefois, il reste à souligner que, même dans ces situations, certains savants ont considéré qu'il reste recommandé de ne manger que ce qu'il y a devant soi, et que ceci est recommandé de manière absolue, qu'il y ait une sorte ou plusieurs sortes de nourriture dans le plat, que tu sois seul ou que vous soyez plusieurs, et que les personnes avec toi réprouvent cela ou non. Donc, le mieux pour la personne reste de se conformer à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a ordonné de manger devant soi. Ensuite, il a dit, rahimahullah, وَلَا يَأْكُلْ مِنْ ذِرْوَةِ الطَّعَامِ لَكِنْ مِنْ جَوَانِبِهِ. Et il ne mange pas le haut du plat, ni de son milieu, mais il mange ce qu'il y a sur les côtés. Et il dit, وَكَذَلِكَ الْكَيْلِ فَإِنَّهُ أَدْعَى لِلْبَرَكَ كَذَلِكَ رُوِيَ فِي السُّنَنِ. Et il dit, il en est de même lors de la pesée, c'est-à-dire lorsqu'il doit prendre des aliments pour la pesée. Il ne va pas prendre ce qu'il y a au milieu, mais il va prendre sur les côtés. Et ce, par analogie avec le hadith concernant la nourriture que l'on va mentionner. Et l'auteur nous dit, rahimahullah, que ceci est plus à même pour recevoir la bénédiction comme cela est rapporté dans les sunan. Et il vise par cela le hadith rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah et d'autres, rahimahumallahu ta'ala, d'après Abdullah ibn Busr, radiyallahu anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Mangez sur les côtés et laissez le haut du plat afin qu'il soit béni. » C'est-à-dire que la baraka, elle descend au milieu du plat. Il est donc recommandé, lorsque l'on pose un plat, de commencer à manger sur ses côtés et de ne pas commencer à manger sur le haut ou au milieu. Et il fait partie de la baraka, de la bénédiction qui descend sur le repas, que la nourriture soit peu abondante, mais qu'elle suffise à beaucoup de personnes. Et également, il fait partie de cette baraka, de cette bénédiction, comme l'ont mentionné les gens de science, que si on ne mange pas au milieu du plat, mais qu'on commence à manger sur les côtés, alors si on ne termine pas ce plat, ce qui va rester sera propre. Il n'aura pas été touché par différentes mains. Ainsi, il pourra être présenté et servi à d'autres personnes. Il pourra être conservé. Contrairement au plat dans lequel on mangeait des personnes qui ne respectent pas ses politesses et ses bonnes manières, et qui auront mélangé toute la nourriture et mis leurs mains au milieu, dans le haut et sur les côtés du plat. Cette nourriture ne sera plus appétissante pour les gens et ne donnera envie à personne. Elle sera donc privée de baraka, privée de bénédiction, car dans nombre de situations, cette nourriture, même si elle est abondante, elle n'est plus mangée par personne et elle est jetée. Wallahu al-musta'an. Donc vous voyez l'importance de veiller à respecter ses politesses et à se parer de ses nobles comportements. Et les gens de science ont mentionné qu'il fait exception à cela s'il y a dans le haut du plat un aliment qui ne se trouve pas sur le côté. À l'exemple de la viande, qui parfois dans le plat est posée au milieu. On pose un aliment dans l'ensemble du plat et un morceau de viande au milieu. Dans ce cas-là, il n'y a pas de gêne à ce que les personnes qui se trouvent autour de ce plat prennent de cette viande qui se trouve au milieu, incha'Allah ta'ala, également si c'est un autre aliment. Mais ce qui est blâmable est d'aller manger au milieu du plat alors que il y a la même chose sur les côtés. Il convient donc de commencer par manger ce qu'il y a sur le côté. Ensuite il dit, rahimahullah, وَلَا يَنْفُخُ فِي الطَّعَامِ الْحَرِّ وَلَا الْبَارِدِ. Et il ne souffle pas sur la nourriture, qu'elle soit chaude ou froide. Et il en est de même concernant les boissons. Ceci est détestable. De la même manière qu'il est détestable de respirer dans le récipient lorsque tu bois. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit que l'on respire dans le récipient et que l'on souffle dessus. Respirer dans le récipient lorsque tu bois, en laissant ta bouche et ton nez devant, cela peut parfois altérer le goût et l'odeur de cette boisson et empêcher les personnes suivantes de la consommer. Il convient donc de prendre le récipient de boire et de le retirer de devant soi et de ne pas le laisser devant sa bouche. Et également, il ne convient pas de souffler sur la nourriture même si elle est chaude. Mais tu patientes jusqu'à ce qu'elle refroidisse. Et de la même manière, si une chose est tombée dans la nourriture et que tu souhaites la retirer, tu ne la retires pas en soufflant, mais tu la retires avec tes mains ou avec un ustensile. Et on ne souffle pas sur la nourriture, qu'elle soit chaude ou froide. Ensuite, il dit, rahimahullah, « وَلَا يُكْرَهُ الْأَكْلُ وَالشَّرْبُ قَائِمًا » Et il n'est pas détestable de manger ou de boire debout, bien que le fait d'être assis est meilleur et plus complet. La preuve que cela n'est pas détestable est ce qui est rapporté de Ali, radiallahu anhu, qui a un jour bu alors qu'il était debout et a dit « Il y a des gens, certains parmi eux, détestent boire lorsqu'ils se trouvent debout. Et j'ai certes vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire ce que vous m'avez vu faire, c'est-à-dire qu'il l'a vu boire alors qu'il était debout. » Et Abdullah ibn Umar, radiallahu anhum, a dit « Nous mangions au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que nous marchions et nous buvions alors que nous étions debout. » À partir de cela, les gens de science ont mentionné que ce qui est rapporté concernant l'interdiction de boire debout, comme le hadith de Anas radiallahu anhu, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de boire debout, alors ceci est interprété comme étant une indication qu'en buvant debout, la personne a fait ce qui est contraire à ce qui est préférable. C'est-à-dire que le mieux est de s'asseoir pour boire et pour manger. Mais si la personne boit ou mange debout, d'autant plus s'il y a un besoin en cela, alors il n'y a pas de mal, incha'Allah ta'ala. Et le mieux reste de s'asseoir pour cela. Ensuite, il dit « وَيُكْرَهُ مُتَّكِئًا » Et il est détestable de boire ou de manger alors que l'on est accoudé, ou alors lorsqu'on est allongé. Et ce car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je ne mange pas en étant accoudé. » Et dans un autre hadith, on rapporte qu'il aurait interdit de nourriture, que la personne mange de sa main gauche alors que sa main droite est valide, et qu'il mange en étant accoudé. Et certains parmi les pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, ont mentionné que cela était permis. Et ceci est l'avis choisi par l'éminent savant Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, qui a dit concernant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il ne mangeait pas en étant accoudé, qu'on ne déduit pas de ceci l'interdiction, mais plutôt que ceci indique qu'il fait partie du bon comportement et des bonnes manières de ne pas manger ni boire alors que l'on est accoudé. Wallahu ta'ala a'lam. Enfin, l'auteur, rahimahullah ta'ala, termine ce passage en disant وَإِذَا دَفَعَ إِنَاءَ الشَّرَابِ أَوْ اللُّقْمَ دَفَعَ إِلَى مَنْ عَلَى يَمِينِهِ أَوَّلًا كَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Et s'il veut faire passer le récipient de boisson ou une bouchée de nourriture, alors il la fait passer à celui qui est à sa droite en premier. C'est ainsi que faisait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que c'est toi qui as le récipient dans lequel il y a la boisson et que tu es en train de boire. Et que tu veux faire passer ce récipient, alors tu le fais passer à celui qui est à ta droite, en premier. Même si celui qui est à ta droite est plus petit ou plus jeune, ou a moins de mérite que celui qui se trouve à ta gauche. Car c'est ainsi que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme cela est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. D'après Anas ibn Malik, radiallahu anhu, on a apporté au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, du laban. Et il y avait à sa droite un bédouin. Et à sa gauche, il y avait Abu Bakr. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a donc bu, puis il a donné le récipient au bédouin. Et il a dit, la droite, commencez par la droite. Et Anas, radiallahu anhu, qui rapporte ce hadith, a dit à trois reprises, ceci est la sunna, ceci est la sunna. Donc même s'il y a une personne plus digne à ta gauche. Tu ne passes pas le récipient à cette personne, mais tu commences par ta droite. Sauf si la personne à droite t'autorise à lui faire passer. Et ceci concerne celui qui a le récipient dans sa main et qui est en train de boire, et non pas celui qui sert. Car celui qui sert la nourriture ou qui sert la boisson, lorsqu'il va arriver dans la pièce ou autour de la table, il va commencer par servir en priorité la personne la plus méritante. Cela peut être, par exemple, son père ou sa mère, ou alors le chef de foyer, ou alors, si elle y a un invité, commencer par l'inviter afin de l'honorer, et ainsi de suite. La preuve à ce sujet est le hadith de Sahl ibn Sa'd, radiyallahu anhu, qui rapporte qu'on a apporté au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de la boisson, de laquelle il a bu. Donc on voit que cette boisson a été apportée en priorité au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il y avait à droite du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un jeune garçon, et à sa gauche des personnes plus âgées. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a donc voulu commencer par ces personnes âgées afin de les honorer. Mais il ne pouvait pas, car à sa droite, il y avait ce jeune garçon. Et la base est que l'on commence par la droite, comme il l'a dit dans l'autre hadith. Donc il a dit, « M'autorises-tu à leur donner ?» Alors le jeune garçon a dit, « La wallah, non par Allah. Je ne laisserai à personne ma part venant de toi. » Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a placé le récipient dans sa main. Donc, lorsque le récipient est dans ta main, parce que tu as été servi, et que tu veux le faire passer, tu le fais passer à celui qui est à ta droite. Mais si c'est toi qui fais le service, tu commences par la personne la plus méritante, puis ensuite, tu fais suivre par ceux qui sont à sa droite. Wallahu ta'ala a'lam. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, et on continuera dans le cours prochain. Inch'Allah ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين